Je me suis levé ce matin. Une autre ville, une autre vie. Un écureuil sur le terrain. Et sur la piste, le clown triste. Tel est le quotidien. Au cirque d'un artiste. Et ce soir, on revient. Jouer les équilibristes. Tous les jours, on replombe le décor. Les clowns se maquillent encore. Pour quelques heures, donner du bonheur à un public d'enfants tristes. Un projet sur les jongleurs, les autres éclairent la piste. Tel est le quotidien au cirque d'un artiste. Sa vie. Et pourtant, ce soir encore, clown et artiste.